sube, mueve, mueve. Como que no te atreves. Que no te atreves. After Job avec Frankie l'après-midi. L'après-midi. Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda para protegerlo del amor. Del peligro nunca está cerca. Mambo King. Ella se sentenció a su lucha por vida eterna. Atiendose en el hogar, durmiendo el dolor. Como un cretino fue

Sous le soleil brûlant de l'océan Indien, on dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée, l'air enjoué comme ma princesse. De ton corps enlacé, j'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Venu sur une plage étoilée, je t'observais danser, l'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit, un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Bien, Conseil, je suis heureux de vous retrouver. 16h38, c'est Francky dans la radio. Je suis avec vous jusqu'à 18h30. Quel bonheur avec le soleil en plus. After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, Francky l'après-midi, il est là, 18h30. On est là, bien installé peut-être, vous dans le jardin, en train de faire bronzer tout l'heure en voiture, peut-être en train de vous balader du côté de Chambord. C'est ce que je vois, notamment Maud qui est à Chambord. Salut Maud, passe une très bonne après-midi avec Radio Arc-en-Ciel. Et puis, il sera notre invité au téléphone tout à l'heure vers 17h15. C'est Soufiane Sancon, Soufiane que vous connaissez très très bien, ex-international de karaté, adjoint au maire en charge des sports et à la jeunesse. Sera au studio avec nous, au téléphone bien sûr, pas dans le studio, mais au téléphone avec nous pour nous parler un petit peu des nouveaux aménagements sportifs, hein, pour parler aussi de l'USO un petit peu malheureusement qui descendent, et puis on parlera aussi de l'Aqua, le complexe nautique qui va bientôt arriver. On parlera tout ça avec lui en direct tout à l'heure vers 17h15. Et puis un titre que j'affectionne en ce moment, et ça j'adore, c'est Jérusalem avec Master 4G. Écoutez, c'est sur Radio Arc-en-Ciel et ça vous allez adorer. Jerusalem, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambe nami, Zumangi shilana. Jerusalem, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambe nami, Zumangi shilana. Yahuyami, alikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze, zuhambe nami. Yahuyami, alikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze. Aún cola na, y lo no lo sé. Ali kolana, buso a mi, aún kolana. Kilo no lo sé, su hambre na mi. L'après-midi.

Siento al fin que te voy a encontrar. Que se corta la distancia entre tú y yo. Que podremos juntos estar al fin los dos. Y sin importarme cuándo. In Bangkok sous le soleil, 16h52 minutes, le soleil qui brille encore, on est bien là. Même à la radio, on est tranquille, hein. Il passe à travers le store vénitien. Qu'est-ce qu'on est bien, baby, quel meilleur souvenir d'Espagne. C'est la météo qui arrive pour demain. Et bonne nouvelle. Ah ouais, j'ai une super nouvelle. Parce que demain il va faire beau, la famille. La météo. Il va faire beau demain, la météo, le ciel est ensoleillé encore demain. Les températures, 13 degrés au démarrage pour le lever du jour. On dépassera quand même les 27-28 degrés. Il y a juste mercredi, il risque d'avoir des orages. Jeudi, ça va être couvert, vendredi aussi. Et normalement, retour du beau temps à peu près. Ça sera peut-être samedi dans la journée. Voilà, Soufiane Sancon qui sera au téléphone avec nous dans moins de 15 minutes. Et puis Jennifer, le meilleur des souvenirs. Forcément, ça vous rappelle de très très bons moments. Ou alors des mauvais. Voici Donne-moi le temps sur Radar Franciel. Si l'on savait juste un peu patienter. Booster Job avec Francky, l'après-midi. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Quelle voix sur l'arc-en-ciel, Barry White, Let's the Music Players, heureux d'être avec vous. Il est 16h59, 17h même sur l'arc-en-ciel, on va appeler Soufiane Sancon, adjoint à la mairie, au sport et à la jeunesse. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah ouais, c'est parti, direction le smartphone de monsieur Soufiane Sancon. Direction la mairie, voilà, direction Soufiane. Normalement il devrait répondre, hein. En plus, c'est sympa parce que jour de fête. Ça sonne bien en plus. Ça sonne bien, bien, bien. Voilà, première sonnerie, deuxième sonnerie. Ouais, salut Francky. Salut Soufiane Sancon, bonjour. Merci de nous accorder cette interview aujourd'hui en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Jour de fête. Et comme tu m'as dit, moi, il n'y a pas de jour de fête. Hein, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas bien, Soufiane? Ça va bien, nickel, merci. Ça va, ça va. Ça n'a pas été trop dur le confinement et après le déconfinement? Non, ça n'a pas été compliqué. Non, après on gère, c'est savoir s'adapter, c'est tout, hein, ça fait, ouais. En tout cas, c'est mon avis. Qu'est-ce qui a été justement le plus pénible pour toi? C'est quand on a lancé le confinement ou alors après le déconfinement, justement? Non, ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai pas vécu ça comme étant. D'une pénibilité absolue. Je suis une nature assez résiliente, donc je me suis adapté à la situation avec une organisation qui n'a rien à voir avec d'habitude. Ouais. Mais non, le déconfinement lui-même, pas plus que ça. Et puis le confinement, quelque part, pour moi, en dehors des vies qui ont été touchées par par des décès. Ouais. Ce qui est un cas sérieux, une vraie situation. Pour ma part, ça m'a permis de travailler, de réfléchir. Donc non, ça n'a pas été une souffrance. Ok. Alors pour ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs qui sont dans les jardins en ce moment, dans les voitures aussi, Soufiane Sangon, ex-international de karaté, adjoint au maire en charge des sports et à la jeunesse, en espérant que tout ça reprenne un peu au niveau du sport, que ça commence à se réorganiser un petit peu, on voit sur les réseaux sociaux quand même. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu la question sur la fin. Sur le sport, ça commence à se réorganiser un petit peu maintenant, à partir de demain. Ça commence à réouvrir un petit peu. Est-ce qu'on a trouvé quelques solutions? Alors, tout à fait. Beaucoup depuis maintenant plusieurs semaines. En tout cas, la direction du sport, on a énormément travaillé pour tâcher de s'organiser et anticiper les choses. Ouais. Ça avait déjà été fait pendant le confinement. À titre d'exemple, si on prend la situation des piscines avec les vidanges qui avaient été anticipées, avec également l'eau qui a été activée dans les gymnases, pour éviter la stagnation et les situations de légionellose. Et puis là, le protocole que j'ai élaboré avec Yann Bayon, le conseiller municipal en charge du sport de niveau. Et puis d'autres élus et des professionnels du sport pour qu'on puisse proposer un espèce de tronc commun pour toutes les disciplines et qui viendrait s'ajouter au protocole fédéral. C'est ce que me dit Elodie sur Facebook. Ça n'a pas dû être de tout repos, Soufiane, pendant le confinement. Il a fallu élaborer pas mal de plans, mais à mettre en place pas mal de choses. Ouais. Ben, il a fallu faire du bricolage à la maison. Il a fallu faire les devoirs avec les enfants. Il a fallu gérer aussi des activités, il a fallu répondre à la fonction d'élu, il a fallu continuer à travailler, puisque par ailleurs je suis aussi formateur en BTAS, donc sur tout ce qui est physique, analyse biomécanique, qui correspond à la préparation physique. Donc non, ça n'a absolument pas été de tout repos, mais ça a été assez salvateur pour ma part, je le répète, avec une belle coupure, et puis moi je suis assez casanier, donc ça me va. Alors on voulait parler de l'USO parce que j'ai eu pas mal de messages pour l'USO. Malheureusement, la descente pour l'USO, triste nouvelle de la fédération. Tu en penses quoi toi aujourd'hui de cette descente? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est mis en avant justement? Est-ce qu'on peut le faire vraiment ça? Si on prend, c'est vrai que tout le monde donne son avis. Hein, mais sportivement, le club n'a pas été performant cette saison, donc clairement, ça se serait joué avec peu de chances, mais des chances que le club n'aura pas eu l'occasion de jouer en tout cas. Mmh. Il y avait peu de chances de pouvoir s'en sortir, mais il y avait quand même une lueur. Moi, ce que je regrette, c'est que la fédération est taxée le fait qu'il y ait un championnat à 20 et pas à 22. Moi, ce qui me parle le plus, c'est le modèle du basket ou le rugby qui aujourd'hui, ce sont des fédérations qui ont fait le choix. Et des ligues qui ont fait le choix de ne pas rétrograder l'équipe. C'est pas le cas pour le football. Je regrette qu'il y ait un fonctionnement qui sert essentiellement, à mon sens en tout cas, les intérêts financiers. Et puis après, le Grèce, il s'est retrouvé dans une situation en sandwich entre la décision de la ligue et la pression des clubs amateurs. Donc, il a été dans son rôle habituel. Direction la nationale, malheureusement, il y a eu quelques départs, notamment Thomas Renaud, là. On l'a vu récemment, il l'a annoncé sur sa page. Mais des choses positives aussi, nouveau terrain qui arrive, ce sera pour la nouvelle saison, un terrain tout neuf, tout beau, Soufiane. Ouais, c'est ça. Alors, quelques départs, il y a eu des départs, il y a eu des non-reconductions aussi de contrats, hein, simplement, mais dans la vie, tout s'arrête à un moment. Bien sûr, ouais. On ne peut pas se rouler par terre en créant une injustice perpétuellement. Lorsqu'on fait de la compétition ou lorsqu'on est engagé dans une action quelle qu'elle soit, professionnelle, associative, ce sont des cycles, c'est comme ça. Un nouveau terrain tout neuf qui doit être livré à la fin de cet été pour donner l'occasion aux joueurs du club d'évoluer sur une pelouse hybride chauffée. Ah, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qui se fait mieux. Ouais. La mairie d'Orléans a fait un gros boulot en investissant plus de 10 millions d'euros, en gérant les chantiers, en suivant également l'évolution en concertation avec le club des projets et des perspectives. Ah, ouais, je voulais dire aux auditeurs, les 10 millions, c'est pour le complexe. Hein, c'est un ensemble. Le terrain, il valait 1,5 million à peu près. Exactement. Voilà, hein, le terrain, c'est 1,5 million, exactement. Ouais. Après, il y a le terrain synthétique à côté avec les vestiaires, etc. Qui, là, il y en a pour 2,5 millions. Et puis après, tous les investissements d'aménagement du stade qui ont été progressifs depuis 2014. Alors, je lisais aussi, est-ce que le centre de formation, il y a de l'investissement? Est-ce que ça va durer, perdurer par la suite? Parce que si l'USO restait malheureusement en ASIO, qu'il ne montait plus pendant, je crois que c'est pendant 2 ans, le centre ne pourrait ne plus exister, c'est ça, Soufiane, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. En fait, le centre de formation, il est maintenu pendant 2 ans. Et en fait, le club aura l'opportunité, l'occasion de pouvoir remonter dans ce délai-là ou pas. Nous, on va tout faire court, en tout cas. Enfin, on s'est employé pour ça. Et puis, après, maintenant, le centre de formation, c'est essentiel, hein, pour un club. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre de formation. C'est compliqué de se pérenniser dans le sport professionnel, dans le football professionnel, en tout cas. Ok, Soufiane. Bon, bah, merci de nous avoir consacré quelques minutes. 2020, c'est reparti, là, les municipales au mois de juin. Hein, c'est parti pour toi aussi, Soufiane. Ouais, c'est parti à 200%. on va se battre pour défendre l'intérêt de notre équipe et puis surtout l'intérêt des Orléanais, ouais. qui est celui de porter des projets qui sont structurants, qui sont pas démagogues et surtout être totalement dans une transparence absolue avec les Orléanais. Voilà, et aux côtés d'Olivier Carré, ouais, si tu voulais citer. Totalement, je suis aux côtés d'Olivier Carré et donc on travaille fort. Voilà. Soufiane, on va te laisser parce que c'est jour de fête quand même aujourd'hui. Il y a pas mal de détente en famille pour toi. C'est important si la famille. J'ai travaillé moi ce matin. Il y en a qui bossent. J'ai donné un cours en visio. Après, j'étais en rendez-vous de téléphone et tout. Mais bon, pas de souci. Il n'y a pas de délai en fait. Il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes en direct à la radio. Merci. Merci à vous, bon courage. Belle journée, Soufiane, en direct sur Radio Croisière. Merci, au revoir. Merci, Soufiane Sankompi. Le meilleur des souvenirs avec Donny Hines, 96, It's Alright. To take it slow, count 1, 2, 3 and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, cause I see what you want. Is the game what I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, cause I see what you want. toute la journée. Appel le 02 38 43 48 00. I don't

Fiesta Loca, Radio Arc-en-Ciel, 17h26 minutes avec le duo à Cernal. On a dansé là-dessus pendant des années et des années. Lucenzo, Bigali, Vendassa Cololo, version 2010, petit remix comme ça, sympa l'après-midi. Vous êtes peut-être au bord de la piscine, et bien on vous souhaite une très bonne journée. Et puis on a une petite surprise pour vous. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, il s'appelle Philippe Métura. Il a eu l'occasion de venir à la radio quelques fois quand même. Je l'ai fait dans mon live Facebook aussi. Il est au téléphone avec nous, chanteur de Zouk. Et on adore. Bonjour Philippe Métura. Bonjour Francky, comment vas-tu? Eh ben, tu sais quoi? Bonjour à tous les auditeurs et en discussion. Eh, tu vois, j'étais à la radio, on est jour férié aujourd'hui, je travaille. Et je me suis dit, je vais envoyer un petit message à Fifi. J'ai vu passer un message sur Facebook. Et ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, Philippe Méturin. Ben moi aussi, Francky, ben on est là, tranquillement, là. Je suis en position, composition maintenant. Ah ouais, là, ça y est. Et je continue quoi, à faire les compos, tranquillement, là, voilà. Ouais, je voulais expliquer un petit peu aux auditeurs. Toi, tu es un chanteur de Zouk, à la base. Hein. Voilà, c'est ça, à la base. Ouais, ouais. Surtout du Zouk Love, hein. T'aimes bien le Zouk Love, hein. Zouk Love, oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ça que je suis en train de travailler en ce moment-là, travailler des quelques titres de Zouk Love, effectivement. Et aussi, des titres soleil aussi, parce que j'aime bien le reggaeton, le soleil, le, voilà, ouais. Dance floor, un peu. Voilà, je varie un petit peu mon répertoire, voilà. Moi personnellement, je te préfère dans le Zouk. Perso, ça, c'est, ouais, c'est mon avis perso, après les gens, ils ouais. Oui, ils aiment bien, ouais. Ah, moi, j'aime bien. Le Zouk Love, ça passe super bien, parce que ça fait des années, effectivement, que je fais le Zouk Love. Là, je retourne à la base. À la base, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, en boîte, on emballait grave sur le Zouk Love. Oh là, hein. On en a emballé des gonzesses là-dessus, hein. Au Gardel, c'est bonne époque quand tu venais chanter là-haut. Alors, en pleine composition en ce moment, mon Philippe, tu disais, je reviens à la base, au Zouk. Tu es quelle origine, toi, Philippe Métura? Je suis origine de la Guadeloupe. Ah bah ouais, est-ce que ce sont les créateurs du Zouk, la Guadeloupe? Oui, c'est le groupe Cassav, effectivement. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, le groupe Cassav. Ils sont chez toi, Cassav. Cassav, Zouk Machine, Francky Vincent, tout ça, tout ce vivier d'artistes qui viennent de la Guadeloupe. Ouais. Voilà, c'est là qu'est né le Zouk. On a commencé. Qu'est né le Zouk, voilà. C'est ce qu'on dit, hein, Cassav avec Jacob Desvarieux, le créateur du Zouk. Jacob Desvarieux, le créateur du Zouk, oui. Quelle voix, Cassav. Hein, quelle voix. Quelle voix. Jocelyne Darroix et tout ça. Il y a le Zouk Machine et Francky Vincent. Ouais. C'est bon. Est-ce que tu es en relation tantôt avec eux, avec Francky Vincent, Cassav, Zouk Machine? Oui, de temps en temps, oui. Même les filles de Zouk Machine, je pense que sur mon prochain album, elles seront là pour faire les chœurs, parce qu'elles sont, elles sont présentes, ouais, pour les chœurs sur les Zouk Machine, ouais. Et ben voilà, une belle aventure, et puis on va s'écouter avant 17h30, là, on va s'écouter ton single qui s'appelle Bailando. C'est un nouveau single, c'est du reggaeton, ça, c'est ça, Philippe? Ouais, c'est du reggaeton, Bailando, parce que j'aime bien le côté latin, et j'ai eu l'occasion de, grâce à toi aussi, de faire la première partie de Linsanjo. Le collectif métis. Collectif et Kinvé. Matoustone. Ah ouais, mon ami Kinvé, ouais. Ah ouais, t'auras fait toutes les premières parties avec moi. Hein. J'ai fait toutes les premières parties avec toi, je te remercie. Mais moi, j'ai dit que dès qu'on peut réouvrir les clubs, tu viendras faire un peu de musique chez nous. Ouais, avec plaisir. Ah ouais. Avec plaisir, Parce que je vais te dire pourquoi, parce que quand on va réouvrir, il faut du soleil, il faut donner du soleil aux gens. Il faut du soleil, oui, du soleil, ça fait du bien du soleil. Ah ouais, les gens aiment beaucoup le soleil. Bon. J'avais pas mal de dates de prévu aussi dans pas mal de trucs, ça a été annulé, mais je pense qu'on attend, on attend. Putain de vie, oui, ça va s'en aller. Ouais, on espère. L'idéal, ce serait qu'ils se battent, qu'ils trouvent un vaccin, ce serait l'idéal, parce que là, on est mal barré, les boîtes de nuit. Hein, on est mal barré, Francky. Ouais. Et surtout, Philippe, le Zouk Love. Et le Zouk Love, ça se sent ça de coller serré. Ça va être compliqué, hein. Ça va être super compliqué. Ou là, faire mettre des scaphandres, tu vois. Voilà. Ah ouais, ça va être super compliqué. Mais on espère, on attend. Toi, comme beaucoup de DJ, comme beaucoup de producteurs. Ça a vraiment mis en péril le métier ou pas? Pourquoi? C'est vrai. Alors, tous les gens composent, comme moi aussi, je suis en train de composer, et les titres vont être en téléchargement. Voilà, pour le moment, on attend, voilà, on va faire tout ça, streaming, voilà, c'est toutes les plateformes de téléchargement en attendant que les discothèques, les bars, les clubs. Voilà. Bah justement, vous, les artistes, hein, qui vous produisez sur la France, sur la planète, dont tu vas aussi à l'extérieur, dans d'autres pays, au Portugal. Ah oui, au Portugal. Portugal, ouais, voilà. Je dois partir aussi au mois de septembre là aussi pour 2 ou 3 semaines. Ouais. Et aussi, je devais aller en Allemagne, en Belgique, tout ça aussi pour les. J'avais pas mal de dates de prévues aussi pour le Zouk. Et bon, mais tout a été annulé, mais bon. Là, on a reporté entre guillemets. Ils m'ont dit parce qu'ils attendent toujours pour voir. Il y a Laetitia qui me dit, il passe me voir son titre Bordel, Odomi, voilà. Ah, elle connaît, hein. Il y a une connaisseuse là qui vient de m'envoyer un message. Le fameux, c'est mon plus gros tube que j'ai effectivement, le fameux Passe me voir. Ouais, ouais. Ah, Passe me voir, celui-là, il a fait le tour de la planète, hein. Ouh, le tour de la planète. Ah oui, ah oui, ça, c'est vraiment le... c'est grâce à ce titre qui m'a fait connaître effectivement dans le milieu Zouk, vraiment, parce que. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que dès qu'on va pouvoir réouvrir, tu viendras nous voir dans les clubs, là. Hein, ah, avec plaisir. Ça me fait plaisir, mon Philippe, Thomas. Avec plaisir. Quelques temps. Ça fait super plaisir. Ah, ok, ouais. Mon Philippe. Eh ben, on te souhaite une bonne écriture, mon ami. Hein, merci à toi. Okay. Et dès que c'est prêt, dès que j'ouvre des trucs. Tu m'envoies, hein, on est les premiers. Je te remercie. Allez, on va s'écouter Bailando. Merci, Philippe Métura. Belle journée à toi, mon ami. Merci Francky, à très bientôt. Salut Philippe. On s'écoute. Philippe Méturin, Bailando sur Radio Arc-en-Ciel. Le nouveau Philippe Métura, je vous retrouve demain, et je serai là demain à partir de 17h jusqu'à 19h. Alors demain, plein de belles invités. Marianne Eslinguer sera au téléphone avec nous. Marianne Eslinguer, la mère de Fleury-les-Aubrais. On aura aussi l'entraîneur de Saran Handball qui sera avec nous, Alexis, dans les studios, au téléphone bien sûr. Et puis la grosse surprise demain, ça va être du très très lourd. Vous vous rappelez de Boris Soirée Disco? Ouais, c'est chaud, c'est disco. Eh bien, il sera avec nous au téléphone, je pense, vers 18h30, en direct. Philippe, il s'appelle Soirée Disco, c'était lui dans les années 96-97. Eh bien, on le recevra demain au téléphone. Les amis, RDP, On Portugal, les infos. Et puis, je vous retrouve demain, n'oubliez pas, 17h, au Portugal.